Huitièmement, tactique. La société dont nous venons d'indiquer les grandes lignes ne peut être provisoirement, du moins, qu'un idéal. Mais il importait de la définir exactement pour qu'on sût ce que nous voulons. Voilà le but que nous devons atteindre. Car il y a deux choses à considérer dans le socialisme. Le présent et le futur. Le provisoire et le définitif. Ceux qui inscrivent aujourd'hui dans leur programme l'abolition de la propriété individuelle, la suppression du patronat, etc., risquent fort de n'être pas compris, même par les intéressés. Ces réformes sont subordonnées à une évolution morale non encore accomplie. Il suffit de réclamer celles qui sont immédiatement réalisables, simple atténuation du mal, il est vrai, mais qui sont la préparation obligatoire d'une transformation radicale. Par la force même des choses, le socialisme prend de nos jours une extension considérable. Tout le monde est tenté de se dire socialiste, les uns parce qu'ils souffrent, les autres parce que c'est la mode, les bourgeois pour l'exploiter. Sous peine de voir notre parti dévié de son but, il importe de n'y admettre que des hommes conscients et résolus. Il ne faut pas que, sous prétexte de réforme ou de philanthropie, les premiers venus puissent se dire des nôtres. Sont socialistes ceux qui luttent pour la constitution de la propriété collective, l'égalité des salaires, l'entente ou la fusion des nationalités. L'acceptation sans réserve de ces trois points est la marque à laquelle on les reconnaît. Les autres ne le sont pas. Défions-nous surtout de ces demi-socialistes qui se disent d'accord avec nous sur une partie seulement de notre programme. C'est à peu près comme s'ils admettaient que les deux premiers livres de la géométrie, et pas les autres, qui sont la conséquence de ceci. Le socialisme est une science, un système intégral qu'il faut prendre ou rejeter en bloc. Le socialisme ne peut exercer une action efficace qu'à la condition de n'avoir aucun des préjugés qu'il combat dans la société bourgeoise. Sa parole n'acquiert d'autorité que s'il est lui-même un homme de bien, s'il y a conformité complète de ses actes avec ses théories. Il doit donc s'imposer à la confiance publique par l'élévation de son caractère et la dignité de ses mœurs. Homme des temps futurs, il est un exemple vivant de toutes les corrections. Bienveillant et affable, il s'efface devant les autres, écoute en silence ses adversaires, car il les croit victimes de l'erreur plutôt que de mauvaise foi. D'humeur toujours égale, il est calme en face des injures, inaccessible à tous les sentiments bas et vils, tels que la colère, la jalousie, la vengeance, la haine. Dans tous les actes de sa vie, il n'a pour mobile que l'intérêt général. Enfin, il est honnête devant sa conscience, devant les hommes et quelquefois devant le code. Il a le devoir de ne jamais médire des autres socialistes, même de ceux dont il reste à se plaindre. En toute occasion, il fait preuve d'abnégation, de dévouement et subordonne sa conduite à l'intérêt du parti. En principe, il doit considérer comme ennemis tous ceux qui ne sont pas socialistes. Il peut cependant ménager les hommes à tendance progressiste, au besoin les préférer aux autres conservateurs, sans pour cela faire d'alliance avec eux. Mais il est un parti avec lequel il ne peut avoir rien de commun, dont il doit se défier comme de la peste. C'est le socialisme chrétien ou charitaire. 18 siècles de barbarie ont prouvé qu'il n'y a rien à attendre du christianisme. À quoi bon en pousser l'expérience plus loin? D'ailleurs, ce socialisme est le contre-pied du nôtre. Nous voulons le droit à l'existence, non à la pitié des riches. Quant aux réformes dont parlent les politiciens en quête de mandat, bien qu'elles soient le plus souvent illusoires, le socialiste doit s'occuper de celles qui sont un acheminement vers son idéal. Mais il en est une qu'il doit préconiser avec ardeur, sans trêve ni merci jusqu'à ce qu'il l'ait obtenue. C'est l'instruction intégrale, parce que sans elle, le socialisme est une utopie. Qu'il évite de pousser à la révolution violente, ce serait non seulement inutile, mais nuisible au développement de son parti. Le peuple a une éducation trop individualiste pour accepter à cette heure le régime socialiste. Une épreuve de ce genre serait le signal de nouvelles Vendées, et n'aboutirait qu'à un avortement. C'est par la révolution mentale qu'il faut commencer. Quand celle-ci sera faite, l'autre sera bien après de l'être. Si pourtant des événements que nous ne prévoyons pas, guerre étrangère, banqueroute d'État, grève générale, venaient à déterminer une insurrection, nous devrions sans hésiter intervenir au nom de l'ordre et nous emparer du pouvoir. Mais cette éventualité se produisant, comme il ne nous sera pas possible d'appliquer immédiatement notre programme dans son intégralité, il faudra, sous peine d'abdication, réaliser dès notre arrivée les indispensables réformes suivantes. Instruction intégrale du peuple. Constitution de la propriété sociale par la suppression graduelle de l'héritage et fonctionnement de la commune économique. Transformation en service public des monopoles actuels et de tous les métiers qui concernent l'alimentation, l'habillement, etc. Fixation des salaires et de la durée du travail par les chambres syndicales. La Fédération des chambres syndicales, souveraine en matière de travail, est chargée d'en assurer la répartition entre tous les travailleurs. Hospitalisation des invalides et des vieillards. Ces réformes sont une transition, une préparation à l'état social que nous avons rêvé. Sans bouleverser de fond en comble l'organisation actuelle, ni provoquer des résistances désespérées, elles garantissent enfin le droit à l'existence et font disparaître la plupart des monstrueuses inégalités qui caractérisent la société bourgeoise. Car en attendant l'heure, peut-être lointaine, où le peuple sera mûr pour l'acceptation du socialisme, il ne faut pas que des milliers d'individus continuent à se priver du nécessaire et à mourir de faim. Mais il est entendu que ce programme est provisoire, qu'il marque seulement la première étape vers le but que nous nous proposons d'atteindre. Ce que nous voulons, c'est l'égalité entre tous les hommes. C'est la fin de l'exploitation et de l'esclavage. Car tant qu'un homme prélèvera un centime sur le salaire d'un autre, celui-ci sera l'esclave de celui-là. Ces choses, il faut les dire bien haut. La politique socialiste exclut toutes sortes de machiavélisme. Les socialistes doivent dire tout ce qu'ils pensent et penser tout ce qu'ils disent. Comme ils n'attendent de leur propagande aucun profit illégitime, ils n'ont rien à dissimuler. Il faut aussi qu'on sache que, s'ils aiment leur patrie, cela n'implique pas pour eux la haine des nations étrangères. Ils sont de cœur avec leurs frères de Berlin, de Rome et d'ailleurs, et ils s'opposeront à la guerre par tous les moyens. Parce que la guerre entre peuples civilisés est la négation du progrès. Leur mot d'ordre est « la paix à outrance ». Puisqu'il est certain que l'ignorance et les préjugés sont les principaux obstacles à l'établissement de l'ordre nouveau, que tous ceux qui ont foi dans l'avenir s'improvisent donc conférenciers, théoriciens, professeurs, qu'ils pourchassent l'erreur jusqu'en ses derniers refuges, qu'ils fassent la lumière où il y a les ténèbres, qu'ils ouvrent les yeux à la foule aveugle et inconsciente des malheureux. La bourgeoisie disparaîtra dès lors sans qu'il soit besoin de la combattre.